est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce décrassage auditif de métal en fusion pendant 2 heures. Donc ce soir, nous aurons ce qu'il faut en nouveauté. Étant donné que la semaine dernière, c'était quand même une émission exceptionnelle. Donc, on est passé outre tout ça. Ce soir, je vous gâte puisqu'on aura pas moins de 6 nouveautés qui seront un petit survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre musique, style musical préféré. Et tout d'abord, avant de commencer l'émission, vous savez que ce week-end a eu lieu un très grand événement à côté d'Orléans, le Creekfest 3, qui a été au-delà de toute espérance puisque ça a été sold out. Et que Sortilège, ce groupe de légende, nous a délivré une prestation vraiment au top, il n'y a pas à dire autre chose. Et que les deux autres groupes qui ont servi d'ouverture, c'est Elixir et Prisma, que vous connaissez bien également, ont été plus que bien applaudis. Donc un grand bravo à Chris pour l'organisation du Creekfest, et aussi un grand bravo aussi à toute son équipe de bénévoles pour leur gentillesse, leur dévouement, et vraiment... super boulot, bravo les gars. Je sais pas ce que vous allez faire pour la 4e édition, mais va falloir faire très très fort, trouver très très fort. Je sais pas, faire venir Judas Priest par exemple. Voilà, enfin c'est une idée parmi tant d'autres. Voilà. Donc ça c'est mérité d'être dit. D'ailleurs, ce sortilège, on en passera en fin d'émission parce que ça vaut le coup de s'en remettre de nos émotions. Commençons tout de suite avec un groupe qui nous vient de Bordeaux, qui s'appelle Persona Non Grata, que je vous ai présenté il y a de ça 15 jours maintenant, qui vient de sortir donc son premier album. Alors si vous aimez le rock metal qu'il y avait français des années 90, début des années 2000, genre FFF, Watcha, No One Is Innocent, ce genre de choses, eh ben ça va vous plaire, et on va s'envoyer tout de suite l'ordre des choses pour bien commencer Electric Shock. Camelto avec un extrait de son album Scotoma, c'était Amédée. Juste avant, c'était le premier album de Persona non grata avec l'ordre des choses. Donc, qui ouvrait Electric Shock ce soir? Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec une très grosse sortie. Et d'ailleurs, c'est une grande première pour Electric Shock, car c'est la première fois qu'on diffuse de ce, pourtant un groupe quand même assez énorme. C'est le 8e et qui sera d'ailleurs le dernier album de Sum 41. Et oui, les légendes du punk rock canadien ont décidé donc après de jeter l'éponge et de jouir d'une retraite bien méritée. Enfin bon, est-ce que ce sera à tenir, à suivre? Ça, on en connaît plus d'un qui ont décidé de prendre leur retraite. Toujours est-il qu'ils ont sorti donc leur nouvel album fin mars, qui s'appelle donc Heaven XL. Alors, c'est un double album en fait, puisqu'il est composé de deux sortes de morceaux. Une première partie dite Heaven, donc des morceaux plus pop qui correspondent un petit peu à leur début de carrière, et puis un deuxième CD qui contient des morceaux plus rock alternatif de la deuxième période. Enfin bon, personnellement je ne trouve qu'il y a pas énormément de différence entre les uns et les autres. Enfin bon, je pense que les fans eux le verront. Ce que je trouve un peu dommage par contre, c'est que chaque CD contient 10 chansons, c'est pas mal là-dessus, mais bon, ils ne font que 30 minutes chacun, alors qu'en fait tout ça aurait pu tenir sur un seul CD. Bon, pour du vinyle je veux bien, mais enfin pour faire ça mais bon, non, ça aurait pu être un peu plus économique, mais je pense qu'ils ont voulu marquer le coup pour bien marquer qu'il y avait donc deux parties sur cet album. Où il y a des choses sympas. Sum 41, je sais que c'est le genre de groupe que les vrais, ceux qui se disent vrais punk, aiment à cracher dessus en disant c'est pas du punk, c'est de la pop, parce que il y a un côté un peu rigolo, etc. Ouf. Qu'est-ce qui est punk, qu'est-ce qui ne l'est pas après tout. Ce qui compte, c'est que ça défourage les oreilles. Et puis, c'est tout. Donc, extrait de cet album et extrait donc du CD Heaven, on va se faire Future Primitive. Another day, I've got no convictions. Hard to say when it all will end. And either way, it's to hell with ambitions. Losing faith is the brand new trend. Chilling. Wearing Black, ça c'était 51 et leur album Love Hate, et donc juste avant c'était Sum 41, décidément on aime bien les chiffres qui se terminent en 1 dans Electric Shock, avec un extrait de leur dernier album qui sera d'ailleurs normalement le dernier, Heaven XL Future Primitive. D'ailleurs Sum 41 devrait nous dire un peu de dernier au revoir à l'Accor Arena Hotel le mois de novembre prochain, et d'ailleurs je crois savoir que c'est complet et archi complet. Après ce duo assez joyeux, on va passer à quelque chose d'un peu plus sombre. Pour ça, on va revenir donc au Limougeau de Greyborn et leur deuxième EP Scars. Et on va se faire The Great Design et sa petite intro, Tétanie. Thank you. Grain Design et la petite intro Tétanis. Ça, c'était donc deux extraits du EP Scars de Greyborn. Maintenant, de Limoges, je vais vous envoyer faire un petit tour à Tel Aviv, si vous voulez bien. Enfin, même si en ce moment, ça chauffe quand même. Mais en 2021, on fêtait donc les 30 ans de Orphaned Land, qui en profitait donc pour immortaliser cette prestation hors norme, puisque le groupe était accompagné, n'empêche, d'une chorale d'une quinzaine de personnes, plus un orchestre symphonique. Donc pour un album live somptueux. Du coup, on a eu un CD DVD live qui est sorti donc en fin d'année dernière qui s'appelle A Heaven You May Create 30th Anniversary Live in Tel Aviv. Et on va se faire deux petits extraits magnifiques. Tout d'abord, Like Orpheus. Un petit souci, oui, la platine n'a pas voulu que je vous passe Like Orpheus, elle a voulu passer directement à la suite, donc je vous renvoie Like Orpheus. We'll be right back. à Paris et Like Orpheus, donc deux extraits du fabuleux live Heaven You May Create 30th Anniversary Live in Tel Aviv pour les 30 ans de cette légende du métal israélien. Eh bien, l'avantage de la radio, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que sans bouger le cul de son fauteuil, on voyage dans le temps et l'espace. Donc de l'Orient maintenant, allons faire un petit tour au Mans, découvrir la deuxième nouveauté avec un groupe qui s'appelle Run Ronnie Run. Un groupe donc qui existe depuis 2009, qui est un power trio, ils sont trois. Et c'est leur troisième album déjà, ils existent donc comme je vous disais depuis 2009. Et ils ont sorti là, début mars, leur troisième album qui s'appelle Baise le Monde, comme quoi tout un programme. Et on, qu'est-ce qu'on peut dire, que, comment que c'est musicalement, qu'est-ce que c'est? C'est du punk, c'est quoi? Non, c'est plutôt du rock alternatif à gros son, comme ils en font beaucoup. Et voilà. Extrait donc de cet album, Instant Satisfaction. Attention, ça coup de cœur pour Electric Shock. D'ailleurs, Electric Shock, je vous rappelle que c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Donc, comme je vous le disais à l'instant, ça gros coup de cœur, mais surtout grosse surprise parce que j'attendais pas ça du monsieur. C'est l'album de Mick Mars, l'ancien guitariste de Motley Crue, The Other Side of Mars, et c'était là le morceau Loyal to the Lie. Juste avant Mick Mars, deuxième nouveauté de la soirée, les morceaux de Run Ronnie Run avec leur album Baise le Monde, c'était Instant Satisfaction. On va revenir à la EP de Polaris, sortie début février si vous voulez bien. Groupe vraiment qui n'a aucune limite puisque cette musique navigue entre heavy metal, rock metal progressif et thrash death. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts sur ce Cosmic Singularity, comme on va se rendre compte tout de suite avec The Warrior's Pledge. Il nous refait le même problème. Vous savez, la semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait essayé de vous le passer. Ben, je sais pas. La platine a décidé que Polaris, je sais pas, c'était... On veut pas le passer dans Electric Shock, je sais pas pourquoi. On va réessayer. Hein. Je vais repasser sur une autre platine. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment du direct live avec tous ces problèmes, tous les inconvénients qu'il peut y avoir. En même temps, c'est ce qui fait aussi le charme. Bon, désolé, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, on a encore le même problème, que ce soit sur une platine ou pas. Celle-ci nous fait un caprice, elle a dit que Polaris, pas question. Bon, j'avais prévu de vous passer autre chose juste après. C'était le live de Tesla, Full Throttle Live, qui est sorti fin 2023. Et d'ailleurs, un grand merci à mon ami Mike de Grenoble pour m'avoir signalé cette sortie, parce que j'en étais même pas au courant. Il faut dire que Tesla a sorti ça vraiment en autoproduction, ce petit live qui n'a qu'un seul défaut. Il ne contient que que 10 titres, dont 9 titres en live et un morceau studio qui est une reprise d'Aerosmith. Mais sinon, il y a quand même des très belles choses dessus, comme par exemple ce Miles Away qui ouvre le live avec qui était un extrait de Into the Now à l'origine. Miles Away, extrait donc du live Full Throttle Live de Tesla. Une petite rareté, ça c'est une exclue Electric Shock, puisque cet album c'est une autoproduction. Ce serait bien que Tesla nous revienne avec un nouvel album, puisque le dernier quand même date quand même de 2019. On va se refaire une nouveauté maintenant, la troisième de la soirée. Alors là, on va passer du méchant à du black metal avec le groupe Corpus Diabolis. Donc groupe qui existe depuis 2008 et qui a déjà sorti 5 albums. Celui-ci est le 6e, enfin c'est leur 5e véritable album. Ils avaient sorti un EP en 2009 au départ. Donc celui-ci s'appelle Elixiria Ecstasis, tous d'un programme. Et le morceau qui va vous décrasser les esgourdes ce soir s'appelle Is Wine Be Death. Is Wine Be Death, ça c'est extrait donc de Elixiria Ecstasis, le nouvel album de Corpus Diabolis. Donc c'était la troisième nouveauté de la soirée. Et après avoir plongé très loin dans les profondeurs occultes, maintenant je vais vous inviter à faire un tour très très haut dans l'espace, très très haut, avec les planants Carcara, le groupe qui nous vient de Toulouse. Et son album concept All Is Dust, qui nous raconte l'histoire d'un monde apocalyptique où il n'y a plus aucune ressource naturelle, où les gens ne restent en petits groupes, et ça parle de l'histoire d'un individu qui s'en va pour rechercher une cité soi-disant où il y aurait des monts et merveilles, et cet individu est poursuivi par les gens de son clan parce que il a piqué à bouffer, il a piqué des médocs, et ça ne leur plaît pas. Enfin, donc on va aller très très haut avec Entropia. Je vous l'ai dit, on a été très très haut avec Carcara et son album All Is Dust, et Entropia nous a amené vraiment au fin fond du cosmos. Eh bien, dans l'espace, on va y rester avec la quatrième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Simakia. Il y a un groupe donc qui existe depuis 2008 et qui dont c'est seulement le deuxième album, puisque le premier album était sorti en 2011. Il s'intitulait donc Majestic 12 Open Files, et celui-ci s'intitule Project 11 The Landing. Alors ce concept album est dédié donc à la Lune et à toute la mythologie donc qui va autour. Alors musicalement, ils se décrivent comme metal prog symphonique, moi je dirais plutôt metal progressif. Il faut dire qu'il y a quand même du très beau monde qui compose ce groupe, puisqu'il y a quand même Mathieu Morand, c'est le leader aussi du groupe prog Elvaron, qui a déjà sorti 5 albums, et donc il y a des gens quand même, il y a du très très lourd sur ce groupe. Donc l'album est sorti le 5 avril dernier, je vais vous inviter à découvrir tout de suite The Eight of Endymion et la petite intro The Observer. The Eight of Endymion et la petite intro The Observer, donc tous deux extraits de Project 11 The Landing, le deuxième album du groupe Symmachia. Et c'était donc la quatrième nouveauté de la soirée. Eh bien, si vous savez pas quoi faire le week-end prochain, le Trooperfest célèbre donc sa 7e édition, quand même, excusez du peu. Et notre staccanoviste du métal orléanais, Arnaud Walden, apparemment nous a prévu un concert un petit peu plus particulier à ce qui concerne les Troopers. Apparemment, une setlist plutôt dédiée aux années Paul Diano, c'est-à-dire aux albums Iron Maiden et Killers. Et pour pimenter la soirée, il sera accompagné de non moins tributes excellentes de la CDC Gone Walking, bien connu également. Eh ben, on va se faire un petit extrait du EP des Iron Troopers, le seul jusqu'à présent qui était sorti en 2018, et on va se faire le morceau, tout simplement, le classique de Maiden, The Trooper. We'll be right back. Vous aurez reconnu, j'imagine, ce grand classique d'Iron Maiden, puisque c'était Murders in the Rue Morgue, extrait du fabuleux Killer sorti en 1981. Juste avant, je vais pas dire non les imitateurs, non, les admirateurs, The Iron Troopers, le tribute band bien connu de la région, avec The Trooper sur son unique EP qui était sorti en 2018. Et n'oubliez pas que la 7e édition du Trooper Fest aura lieu donc à Rébréchien, donc samedi en fin d'après-midi, avec Gone Rockin', le tribute band dédié à AC/DC. Et bien maintenant, il est déjà 20h37 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Oui, Electric Shock continue jusqu'à 21h. Il ne reste plus beaucoup de temps, c'est vrai que le temps passe très très vite. Toujours, comme je vous le dis toujours, quand on est en bonne compagnie avec de la bonne musique, on voit vraiment pas le temps passer. J'ai encore une nouveauté, la 5e de la soirée. Là, je vais vous emmener à Marseille découvrir le groupe Blooming Discord. Alors, Blooming Discord, c'est un groupe de métal alternatif qui existe depuis 2015. Ils ont déjà sorti 2 EP, mais là, c'est leur véritable premier album qui s'appelle Memories from the Future. Il est sorti début février. Et je vous invite à découvrir le morceau Latch. Through abuse on the crime you commit when the latch has got loose on the pulsating lust you can't hide. Through abuse. You don't remember me, but I remember you. Well, it's hard to admit living through abuse. Je suis Démocratie, le classique de Tagada Jones qui vient d'être réenregistré pour la sortie du Best of TRNT 1980, Best of 1993-2023. Et oui, Tagada Jones fête ses 30 ans d'existence. Et une grande tournée française qui va faire, je crois, à peu près une centaine de dates en tout, certainement pour l'année 2024 d'ailleurs, et une date à l'Olympia le 1er juin prochain, et je pense que bien d'autres surprises, évidemment. Juste avant Tagada Jones, c'était donc les Marseillais de Blooming Discords et leur premier album Memories from the Future, et c'était le morceau Latch. Je vous avais promis donc 6 nouveautés ce soir, ben voici donc la dernière, avec un groupe qui s'appelle Wizard. Alors, des groupes qui s'appellent Wizard, il y en a 36 000, mais celui-ci, justement pour se démarquer, ce n'est pas un i mais un point d'exclamation. Donc c'est un groupe français de punk post-punk noise, on peut dire, qui vient donc de sortir son premier album là. Ils existent depuis 2018, ils ont déjà sorti un EP, et cet album qui s'appelle Not Good Enough, qui est sorti il y a de ça, je crois, 8 jours, oui c'est ça, ce que me dit la bio, on va découvrir avec Jack is a Sociopath. Oh, tout un programme ça. Everything makes Jack so angry. Boring dog in his boring family. Waiting and watching. The same TV show since 2003. Everyone makes Jack so angry. C'était Wizard, Wizard avec un point d'exclamation, j'insiste bien, avec un extrait de son premier album Not Good Enough. C'était Jack is a Sociopath. Donc, comme je vous le disais en tout début d'émission, eh bien, le week-end dernier, donc Sortilège nous a délivré vraiment une prestation magnifique. Où ils ont joué comme énormément de leur album Apocalypso, 7 morceaux sur 10 quand même, excusez du peu, pour vous dire, c'est rare quand même qu'un groupe, un an après la sortie de son album, joue encore autant, puis bon, des classiques, en veux-tu, en voilà, enfin bref, je crois que tout le monde était vraiment ravi de cette soirée, et je pense que Chris et tous ses bénévoles peuvent être contents, donc, du boulot effectué. Par contre, faire aussi bien, voire même plus fort l'année prochaine, ça va être compliqué, mais enfin bon, il y a un an pour ça. Eh bien, on va revenir à cette soirée pour ceux qui y étaient, puis pour ceux qui n'y étaient pas, ça leur donnera une petite ordre d'idée. On va revenir donc au CD-DVD Coram Populo qui était sorti donc en fin d'année dernière. Et on va faire donc, on va terminer avec les deux morceaux qui commencent ce CD-DVD. D'ailleurs, c'est les deux morceaux qui commençaient le concert samedi soir, tout d'abord donc Amazon. mix extrait du CD DVD live Coram Populo de Sortilège. Voilà, c'était donc le dernier morceau de la soirée. Et encore une fois, bravo à l'association Cric for Zic pour l'organisation du Cric Fest. Troisième édition, je pense que la quatrième va être encore plus grandiose. Eh bien, Electric Shock, c'est fini pour ce soir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Mais bien sûr, la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, puisque un autre Christophe succède à un autre Christophe. Et là, les amis nightclubbers vont prendre le relais des métalleux. Salut Christophe. Comment vas-tu? J'ai pas de micro. Ah, pourtant, là, j'ai mis tous les micros en marche. Oui, vas-y. Oui, allô. Ah, voilà. Celui-là, il fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Un set plutôt house ce soir, avec un mélange de house, de funky house et de tech house. Voilà. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Electro Live. C'est tout de suite maintenant. Je vous laisse en de bonnes mains, puisque l'ami Christophe est en train de s'échauffer, vous le voyez pas, mais là, il fait des pompes et tout, et... Bref, vous allez en avoir pour votre argent. Presque. Allez, à mardi prochain.